L'homme est né poussière, il retournera poussière. Et gars, où as-tu vu un simple homme naître gangster? Notre souci à tous est de plaire, c'est un fait, c'est clair. Mais laisse faire le temps, arrête de vouloir prendre des airs. Oh yeah, tu flambes trop nigo, est-ce nécessaire? Trop jouer au show t'amènera un jour au cimetière. C'est une avant-garde, reste humble mon frère. Regarde bien ton prochain, aucun est chien sur cette terre. Au nom du père, au nom du fils, que soit saint ton esprit. Tu veux prouver quoi à qui? La flambe est une maladie. Oh yeah, jusqu'ici tu ne t'attaques à plus petit. Renversement des situations, tu t'affaiblis devant cet ennemi. On t'avait prévenu, vaut mieux prévenir que guérir. Coule ta prétention car à la 3 tu vas périr. Retiens que dans cette jungle seuls les babouins se prétendent droit. À jouer les shows on s'y brûlerait facilement les doigts. Y'a pas le feu, respecte ton prochain. Pas en main de voix, c'est un message à tous les miens. Trop se perdre sans nid dans la prétention et aucune notion de ce que c'est qu'une nation. Avance très vite dans le but de la perdition. Joue au show quand la folie donne le ton. Trop se perdre sans nid dans la prétention et aucune notion de ce que c'est qu'une nation. Avance très vite dans le but de la perdition. Joue au show quand la folie donne le ton. Trop se prennent au sérieux, veulent inspirer la terreur en bas des cieux. Joue les vicieux mais ne sont que des malheureux. S'arment de mensonges et aveugle nos yeux. Se prennent pour des caïds et offensent la loi de Dieu. Agissant trop vite pour ces hommes je crains le pire. Pour eux aucun élixir, on les maudit dans notre empire. Ils donnent un faux sens à la vie avec une fausse apparence. Mais cette mauvaise cadence les emmène droit à la souffrance. Pour être apprécié de tous, être connu de tous. Ils s'attaquent aux plus faibles, leurs amis ils repoussent. Mais je les arrête à base de blues claps dans leur face pour qu'ils sachent que face à eux je représente une menace. Ils ont beau être qui ils veulent avec la réputation qu'ils veulent, pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent s'emparer de mon seuil. Sais-tu que ceux qui jouent au show sont en fait les plus froids quand ça chauffe et retournent très vite dans leur état de peau. C'est ça, t'as raison, ma junkie. C'est ça qu'il faut. Trop se perdre sans nid dans la prétention et aucune notion de ce que c'est qu'une nation. Avance très vite dans le puits de la perdition. Joue au show quand la folie donne le ton. Trop se perdre sans nid dans la prétention et aucune notion de ce que c'est qu'une nation. Avance très vite dans le puits de la perdition. Joue au show quand la folie donne le ton. Non, t'entends encore ma voix. Dis-moi, ça te fait quoi? Trop plus le pro de mic et déchire ça. T'as du mal à articuler, gesticuler. Mais si tu veux me test, bad boy, je vais te. Ah, non, tu es une baltringue, une vraie baltringue. Jack, Jack, Jack. Périra sous le flingue. Y'a pas le feu, ma junk arrive et défrise mon petit disque pure style. Car tu n'es pas de taille. Toi là-bas excité, viens on va te calmer. N'est-ce pas maintenant qu'on doit faire le ménage? Hein? Les membres du MA3 t'écrasent.